Justin. Give me all my love and when I give all my love again. Give me my love, all my love, all my love, all my love, all my love. Oh, oh. I'm so partial, but I love it. And a you are and allow yourself further. We'll be right back. Oh,

C'était cool, c'était cool. J'espère qu'il n'y aura pas la guerre entre les bassistes, entre tout le monde. J'espère qu'il n'y aura pas la guerre. junge Pumpa. Immer die ältere Pumpa, c'était ja des années. Quand on pouvait pas se cacher, quand c'était ja des années. Je me suis trompé, quand c'était bien plus facile de se cacher, quand c'était là, d'un bouche de là. Si t'étais pas, si t'étais pas, si t'étais pas ici, si t'étais pas là, dans le bouche de là. Si t'étais pas, si t'étais pas, si t'étais pas ici, ça, c'était pas ça. Maintenant tu vois, on n'est pas tout le temps comme ça. Et maintenant pour voir pourquoi tu vois, pourquoi les gens qui comprennent même plus que ça. Mais bouge de là, le pouvoir que ça a. Et quand on était galant, bouge de là, le pouvoir que ça avait. Quand on était, quand on était, quand on était gay. C'est fait, on s'est fait localiser. C'est fait, on était pour l'instantanéité. On s'est fait localiser. On a choisi tous. La santé était de là, si t'es pas ici, t'es pas là. Ba-di-da-doh.